qui viennent d'ouvrir un Pop & Rock dans lequel, comme chaque lundi entre 17h et 18h, on va essayer de vous aider à bien démarrer la semaine. Hola, soy Jaime de Raskolnikov y están escuchando Pop & Rock en el 104.6 de la RBR, los hijos pequeños del rock. Fidèle au poste quand on a besoin d'eux, c'était Raskolnikov avec, pour la petite histoire, j'ai sollicité Matze, chanteur du groupe, pour la création du nouveau générique musical de Pop & Rock. Affaire à suivre. Day a brand new vein, each tourniquet. Brian Molko, l'éternel inspiré, parfois en manque d'idées pour donner à Placebo sa place de groupe emblématique du rock actuel. Heureusement, son talent est de retour dans leur dernier album avec notamment Happy Birthday in the Sky. Drying. qui arrive, Pure Reason Revolution. Pas de doute, vous écoutez bien Pop and Rock sur la très locale RVR. Et quand j'écoute les anonymes anglais de Pure Reason Revolution, je pense aux français de Dry Can que nous avons découvert il y a quelques semaines. Rappelez-vous, on écoute Sceptical de Dry Can. si vous avez aimé Drytan, foncez sur la page Facebook de Pop and Rock, les petits enfants du rock, et vous retrouverez le numéro 185 dans lequel nous découvrons plus encore les Français de Drytan. Mais pour le moment, reprenons notre chemin avec le plus calme Elliott Smith. Aimez Elliott Smith, surtout pas d'emballement, car aujourd'hui c'est avec le club des 27 qu'il joue, même si lui est resté avec nous jusqu'à ses 34 ans. Mais revenons bien vivant avec un groupe que je n'avais pas programmé depuis bien longtemps. Voici Edison Field avec son Dispossessed. Away. Et dites-moi un petit Oldies but Goldies, ça vous dirait? Ouais? Eh ben ok. Ico and the Bunnymen. Mirror kissing, lips like sugar, sugar kissing.

live on tan. I plant the seeds of memories in the heart of a new daydream. Oh, listen how they sing. No matter what you do, you are in the way. You are. Vous êtes toujours bien calé au 104.6 en train d'écouter Pop and Rock sur la trail locale RVR. I'll see. Eldovar, Dan Werbach, si vous en doutiez, rassurez-vous, vous écoutez bien Pop and Rock sur la trail locale RVR. Pas encore sûr ? Ok, voilà donc un de nos chouchous, Children of the Sun. Vous savez, ces genoux qui, dès leur début, transforment l'essai comme des vieux bocaux de cerises alcoolisées. Watch the waves play their game. May tomorrow come. May tomorrow come. Going home down the ocean. Watch the Pour nous quitter, puisqu'il est bientôt l'heure de le faire, c'est le retour de Karl Barat qu'on n'a pas écouté depuis bien longtemps. Karl Barat et ses Chacals vont nous chanter A Storm Is Coming, et sur ce, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, et bis à tous.